إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 22 dans l'explication du livre de l'explication de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi sharh al-Thalathati al-Usul. Et donc on est arrivé à l'endroit où le Cheikh maintenant, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique parmi les différentes formes d'adoration, al-rahba, wal-rahba, wal-khushu'. Au dernier cours, on a parlé de al-tawakkul. Donc aujourd'hui, on continue. Le Cheikh, il dit, قال المصنف رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قول الله قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Donc c'est le verset 90 dans sourate Al-Anbiya dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il concourait au bien. Il faisait la course au bien, les uns contre les autres. Et nous invoquait. Il nous invoquait par amour et par crainte. Raghaban wa rahaba. Et ils étaient humbles devant nous. Wa kanu lana khashi'in. Le Cheikh explique donc la signification de ces trois formes d'adoration qui sont mentionnées dans ce verset. Ar-raghbatu wa rahbatu. Wa al-khushu'. Donc Cheikh Ubayd dans son sharh il explique, il dit ar-raghbatu wa ar-rahbatu mutaqabilan fa ar-raghbatu at-tama' wa ad-dara'a wa ar-rahbatu al-khawf wa al-khushu' huwa al-khudu' lillah 'azza wa jalla. Donc ar-raghba et ar-rahba, c'est l'amour et la crainte. C'est deux choses qui sont opposées. Deux adorations ou deux sentiments, deux sens ou deux émotions qui sont l'une à l'opposé de l'autre ou une contraire par rapport à l'autre. Et ces deux formes d'adoration par laquelle le serviteur d'Allah doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour et par la crainte. Ar-rahbatu. Le Cheikh il explique que ça veut dire at-tama, c'est le fait de souhaiter ou de vouloir ou de désirer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants, ce que de désirer la récompense, de désirer le bien, de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ar-rahba, c'est la peur, la crainte. Et on voit que dans les adorations que le cheikh a mentionnées, il mentionne plusieurs termes qui sont synonymes dans ce sens-là, par rapport à la peur et à la crainte. Il mentionne al-khashya, il mentionne al-khawf et il mentionne al-rahba. Et ces trois différentes adorations qui se ressemblent, ou trois termes qui sont proches l'un de l'autre pour désigner la crainte d'Allah ou la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, les gens ont l'habitude de traduire le terme piété. En arabe, on dit at-taqwa, ils le traduisent par la crainte. Alors qu'en réalité, la crainte, c'est pas le synonyme de at-taqwa. La crainte, c'est pas le synonyme de at-taqwa. At-taqwa, c'est plus large que la crainte. Hein? La crainte d'Allah, at-taqwa, c'est plus large que la crainte. Ça implique même le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense. Et donc on voit que la crainte est une des parties de at-taqwa, mais c'est pas at-taqwa en soi au complet. Il y a une partie de at-taqwa qui implique la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est juste une partie de at-taqwa, c'est pas at-taqwa au complet. Donc de traduire at-taqwa par la crainte d'Allah, c'est restrictif, c'est limite, ça limite la réalité du sens de at-taqwa. Tandis que ar-rahba, les ulama parfois ils expliquent ar-rahba, la différence entre ar-rahba et al-khawf ou ar-rahba ou al-khashya. Ils expliquent que al-khashya, c'est la crainte accompagnée de science. La crainte d'Allah accompagnée de science. Tandis que al-rahba, c'est la crainte accompagnée d'action. Accompagnée d'action, c'est-à-dire le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en fuyant de ce qu'il nous a interdit. Tandis que al-khashya, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hein? Seulement les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs. Donc, le fait d'avoir qu'est-ce qu'on appelle al-khashya, c'est de craindre Allah avec savoir, avec science. Hein? Et al-rahba, comme on a dit, c'est le fait de fuir, d'agir, d'avoir peur, d'une crainte qui est accompagnée d'action, et al-khawf, c'est la peur, hein, la peur, le fait d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une peur révérentielle, une peur et une peur qui est basée sur le respect et la connaissance du fait de connaître la grandeur d'Allah, hein, et d'avoir du respect pour lui. Donc dans le verset qu'on a lu, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ces caractéristiques-là, qui sont des adorations chez les prophètes, présentes chez les prophètes. On voit que ils se faisaient la course, hein, ils faisaient la course les uns contre les autres dans le bien, et qu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et espoir. Et avec humilité, ils étaient humbles devant Allah. Donc le cheikh il explique, il dit هذه الآية مما أثنى به مما أثنى به الله على خاصته وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفهم الله عز وجل في هذه الآية بعدة صفات تأملوها. أولا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات المسارعة في الخيرات والثانية يدعوننا رغبا ورهبا يعني يجمعون بين الرغبة والرهبة وهكذا كلما عظم الإيمان في قلب العبد عظم في قلبه الرغبة والرهبة ولهذا قال الله عز وجل ادعوه خوفا وطمعا في سورة الأعراف. Donc le cheikh, on va expliquer qu'est-ce qu'il vient de dire maintenant. Il dit que dans ce verset qu'on a lu, le verset 90 dans Sourate Al-Anbiya, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ses serviteurs les plus particuliers, les plus rapprochés, c'est-à-dire les prophètes, hein, les prophètes, que la paix et la bénédiction soient sur eux. Et il les décrit par les mentions qui sont dans le verset qu'on a expliqué, c'est-à-dire ar-rahba war-rahba, ar-rahba war-rahba wa al-khudu', al-khushu'. Et le cheikh, il explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a décrits par ces caractéristiques-là. Donc regardons ensemble qu'est-ce que ça signifie, ces caractéristiques, hein, qui sont trois adorations. La première, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit des prophètes que ils se faisaient la course pour le bien. Ils faisaient la course les uns contre les autres dans le bien. Ça, c'est une des caractéristiques des prophètes. Hein? Tandis que malheureusement, beaucoup d'entre les hommes, plusieurs parmi les êtres humains, parmi les hommes, ils ne font pas la course dans le bien les uns contre les autres, plutôt ils font la course dans le mal, hein? Ou bien ils font la course dans des choses futiles, ni le bien ni le mal, des choses qui sont des pertes de temps, des futilités. Et parfois c'est dans le bien et parfois c'est dans le mal, malheureusement souvent c'est dans le mal, hein? Des gens qui font des pertes de beaucoup de temps, d'énergie pour faire des compétitions et compétitionner dans des choses futiles. Et surtout maintenant, on voit là, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques. On voit qu'il y a des gens qui consacrent leur vie juste à faire des trucs comme ça. Hein, des compétitions pour des choses qui n'ont aucune valeur. Mais c'est leur vie parce qu'ils doivent s'entraîner pendant des années pour arriver à ça. Hein? Sauter, faire des pirouettes dans les airs avec des skis ou des choses comme ça. Subhanallah, qu'est-ce que ça va les... Au jour de la résurrection, ça va rien leur donner tout ça. Hein? Ils vont regretter d'avoir perdu tant de temps à faire ce genre de choses. Hein? Donc, les prophètes, eux, non, ils compétitionnaient pas dans ce genre de choses, dans ce genre de futilité. Plutôt, ils compétitionnaient les uns contre les autres dans les bonnes œuvres. Hein, si tu vois quelqu'un qui fait une bonne action, quelque chose de bien, toi tu fais ton effort pour essayer de faire plus que lui. Hein. Tu vois quelqu'un qui fait des sadaqat, il donne, fils avérillah, toi tu dis, oh, moi je vais donner plus. Hein. Tu vois quelqu'un qui récite le Coran, tu dis, oh, moi je vais réciter plus. Tu vois quelqu'un qui mémorise le Coran ou qui mémorise les livres de science, tu dis, ah, je vais mémoriser plus, je vais faire plus d'efforts. Tu vois des gens qui se compétitionnent les uns contre les autres vers la mosquée, vers la salat, tu dis, ah, moi je vais faire plus d'efforts que ça encore pour essayer d'être meilleur. Hein? Et le fait que les gens compétitionnent les uns contre les autres dans le bien, ça fait que les gens avancent de plus en plus vers le bien, la société devient de plus en plus meilleure. Mais lorsque les gens compétitionnent dans le mal, a'oudhou billah, hein, et c'est ça que parfois même il y a des musulmans, ils essaient de compétitionner dans le mal avec les kuffars même. Ça c'est encore pire. Ils pensent que, hein, ils disent, on est capable de faire plus qu'eux. Il n'y a pas de limite au mal que quelqu'un peut faire. Si tu veux faire des compétitions dans le mal, il n'y a pas de limite au mal que quelqu'un peut faire. Et si tu vois par exemple quelqu'un qui est dans l'égarement et c'est un kafir, hein, et tu penses que parce que par exemple certains veulent dire, nous on est capable de faire du mal nous aussi, c'est pas juste les koufars, comme si par exemple des gens qui viennent de certaines origines ou de certains pays, ils veulent se faire accepter des koufars, donc ils veulent leur montrer que eux aussi sont capables de faire du mal comme eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est décevant de voir ce genre de comportement-là de leur part. en voulant dire, nous on veut montrer aux kuffars une autre image des musulmans. On veut montrer une image de que nous aussi on est capable de faire du mal comme eux. A'udhu billah. C'est ça que vous voulez montrer aux kuffars? Non, montrez-leur le bien, au contraire. Hein? Montrez-leur que, en tant que musulmans, vous êtes capable de faire du bien et que vous compétitionnez dans le bien. Et peut-être que ça va avoir un impact positif sur eux, qui va les faire justement voir que qu'est-ce qui est bénéfique pour l'humanité, c'est d'avancer vers le bien. Donc, de façon générale, les messagers d'Allah, on a dit, ils faisaient la compétition les uns contre les autres dans le bien. Le deuxième chose qui est mentionné, وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Hein? Ils nous invoquent avec espoir, avec amour et avec crainte. رَغَبًا, hein? Avec amour, avec espoir, avec anticipation, avec, comment on pourrait dire, tama, c'est le fait de vouloir, hein, de convoiter quelque chose, d'espérer, de vouloir, d'aimer la récompense que Allah nous a promis et de faire des efforts pour l'obtenir. Tout ça, c'est impliqué par le terme ar-rahba. Et ar-rahba, c'est la peur, la crainte, hein. Donc, le croyant, il est entre ces deux choses, entre ces deux choses-là tout le temps, entre l'amour et la crainte. Donc, plus quelqu'un a une foi qui augmente dans son cœur, eh bien, plus il aura de peur et plus il aura d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 56, dans Surat Al-A'raf, le Cheikh il mentionne donc un autre verset dans lequel il y a la mention de ces deux adorations là aussi, de ces deux sentiments là chez le croyant. C'est-à-dire, et invoquez-le avec crainte et espoir. Wad'uhu khawfan, hein, avec crainte, wa tama'an, et espoir. Hein. Donc, ça c'est les prophètes, quand ils adoraient Allah, ils les invoquaient avec ces caractéristiques-là. C'est pas comme ceux qui disent parmi les soufis, par exemple, nous on n'adore pas Allah avec peur, et on n'adore pas Allah avec amour, plutôt ils disent on n'adore pas Allah avec peur et on n'adore pas avec espoir. Hein? Nous on adore Allah juste par l'amour, ils disent. Seulement par amour. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement et c'est en contradiction avec l'exemple des messagers, puisque eux, on voit que quand ils invoquaient Allah, ils invoquent avec peur et avec amour. Hein? Pas seulement avec l'amour, mais avec la crainte aussi. Et avec l'espoir en la récompense d'Allah et en sa miséricorde. Hein? Après, il dit, وَالصِّفَةُ الْأَخِيرَةُ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وهذه صفات أولياء الله وفي ذكر صفة الأولياء أمر بالتأسي بهم كما في ذكر صفات الفجار والعصاة تحذير ونهي من هذه الأساليب تحذير ونهي وهذه من الأساليب وذكر الصفات الحميدة فيها أمر بفعلها والتأسي بأهلها وذكر الصفات القبيحة فيها نهي عن فعلها والتحذير من أهلها. Donc le Cheikh il dit, la dernière caractéristique qui est mentionnée dans le verset, c'est وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, ils étaient humbles devant nous. Et on voit donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses serviteurs rapprochés, et ses serviteurs pieux. Donc, les serviteurs pieux et rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont ces caractéristiques. Ces caractéristiques-là, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des caractéristiques des gens pieux et des gens rapprochés de lui, c'est en même temps comme s'il nous ordonnait de les prendre comme un modèle. Donc s'il nous mentionne dans un verset que les pieux et les rapprochés parmi les serviteurs d'Allah invoquent Allah de telle façon et qu'ils font la compétition dans le bien et qu'ils invoquent Allah avec crainte et avec espoir et qu'ils sont humbles devant Allah, eh bien ça c'est comme si en même temps il y a dans ça un ordre pour nous d'être comme eux et de faire comme eux, c'est-à-dire de faire preuve d'amour et de crainte et d'espoir et d'être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et en même temps de faire les compétitions dans le bien. De la même manière que si Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les caractéristiques des pervers et des pécheurs, il y a dans ça un avertissement et une interdiction de leur comportement et des choses qu'ils font. Donc, il faut comprendre ça quand on entend des caractéristiques qui sont mentionnées, soit des gens du bien ou des gens du mal, que le fait de mentionner les caractéristiques des gens du bien, c'est un ordre de les prendre comme exemple. Et la mention des caractéristiques des gens du mal, c'est une interdiction de leur ressembler. Et c'est un avertissement et une interdiction de leur ressembler. Il dit ensuite, le verset suivant, c'est l'adoration qui est mentionnée par la suite. « قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الخشية قول الله تعالى فلا تخافوهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني. Donc ici il mentionne l'adoration qui est mentionnée ici, c'est al-khashya, et la preuve que c'est une adoration, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 150 dans sourate al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala dit fala takhshawhum wakhshawni, c'est-à-dire ne les craignez donc pas mais craignez-moi, hein. Et donc le cheikh il explique, il dit al-khashya comme a dit بعض اهل العلم خوف يصحبه تعظيم خوف يصحبه تعظيم. Certains des ulama ont mentionné que al-khashya c'est une crainte accompagnée de respect, et comme on a dit tout à l'heure accompagnée de science aussi, certains ulama ont mentionné ça. Mais le cheikh il dit, il explique ensuite, il dit وهذه الآية التي في يعني فلا تخشوهم وخشون الآية التي قبلها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني. الناس منهم اليهود الذين يعني أرجفوا لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلى الكعبة للصلاة حول من بيت المقدس للصلاة إلى الكعبة فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهذا إرجاف حتى تمرض القلوب الضعيفة من المنافقين فحذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقوله فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيثما كنتم لأن هذه أوامر الله وأوامر الله لا يخشى فيها لومة لائم أبدا ويفعل الإنسان ما أمره الله به. Donc le cheikh il explique que le verset en question فلا تخشوهم وخشوني, il est révélé dans sourate al-Baqara dans le contexte du verset qui mentionne le changement de la Qibla. Le changement de la Qibla, lorsque les gens priaient auparavant, au début, lorsqu'ils sont arrivés à Médine et à la Mecque, ils priaient vers Beit al-Maqdis, vers le nord. Puis, une fois arrivés à Médine, après un certain temps, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que la direction de la salat soit changée et il a ordonné donc de prier vers la Kaaba. Donc, les gens qui priaient vers le nord auparavant, vers Beit al-Maqdis, ils ont fait un tour de 180 degrés. Au lieu de prier vers le nord, ils ont commencé à prier vers le sud, c'est-à-dire vers la Kaaba. Et donc le cheikh, il mentionne le verset en question dans sourate Al-Baqarah. Et on avait fait le tafsir de ça quand on a parlé dans le tafsir de Cheikh Al-Fawzan. Quand on était arrivé à cet endroit-là, on a fait le tafsir de ces versets-là. Et on a expliqué ce que les mouchriquins avaient dit à ce sujet et ce que les kuffars avaient dit à ce sujet. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça maintenant. Dans le verset, il dit... donc, dans le verset en question, il dit « وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » Il dit, et d'où vous soyez, ou d'où que tu sortes plutôt, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Donc ça c'est le verset en question dans Sourate Al-Baqarah. Et donc la raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit excepté ceux d'entre eux qui sont injustes, alors ne les craignez donc pas mais craignez-moi. Le cheikh il explique que c'est-à-dire que parmi les gens, il y a eu les juifs qui ont critiqué les musulmans d'avoir changé la qibla. Ils ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans d'avoir changé la direction dans laquelle ils priaient. Ils priaient auparavant vers Beit al-Maqdis. Les musulmans priaient vers Beit al-Maqdis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs étaient contents de ça. Les juifs étaient contents de ça parce que ça, pour eux, c'était quelque chose qui venait confirmer leur orientation ou leur direction. Ils disaient, ah, les musulmans, ils prient dans la même direction que nous. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se tourner vers la Kaaba, le Bayt al-Haram, le Masjid al-Haram. Alors là, les juifs ont commencé à essayer de mettre des doutes chez les gens et à commencer à leur dire, qu'est-ce qui les a fait changer Pourquoi ils ont changé leur direction? Et essayer de mettre des shubuhat dans le cœur des gens à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. C'est-à-dire que l'important dans ça, c'est d'obéir à Allah et de se soumettre à l'ordre d'Allah. Et donc, quand vous priez vers Beit al-Maqdis, c'était l'ordre d'Allah, et maintenant, vous priez vers la Kaaba, vers la Qibla, vers la Kaaba, et maintenant c'est ça l'ordre d'Allah. Dans les deux cas, vous êtes soumis à Allah. Tandis que, yani, dans les deux cas, les juifs, ils suivent leur passion. Quand on prie dans la même direction que eux, ils sont satisfaits, mais quand on prie dans la direction dans laquelle Allah nous ordonne, ils ne sont pas satisfaits. Donc, c'est pour dire, ne les craignez pas, mais craignez-moi. Et donc, eux, ils voulaient faire peur aux croyants. Ils voulaient faire peur aux croyants et essayer de semer le doute dans les cœurs des faibles, parmi les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a averti son prophète, ainsi que les croyants, de ne pas les craindre, de ne pas avoir peur d'eux, et de continuer à tourner leur visage vers la mosquée sacrée, peu importe d'où ils sont, dans quel endroit ils sont, de se tourner vers cette direction-là. Et on a, de façon générale, ce verset-là nous fait comprendre que dans toutes les ordres d'Allah, toutes les choses qu'Allah nous ordonne de faire, on ne doit pas craindre les hommes. On ne doit pas craindre le blâme de ceux qui vont nous blâmer parce qu'on a obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam. Donc, comme tu dis, dans certains pays, c'est vrai que il y a beaucoup de gens de bid'a, il y a beaucoup de gens de l'innovation, et qu'ils, parfois, ils essaient de dénigrer les gens qui suivent la sunna et qui s'accrochent à la sunna. Et ils vont leur lancer des sobriquets et se moquer d'eux, ou bien les dénigrer, ou les insulter, ou des choses comme ça. Et que parfois, les gens qui sont âgés, si ce sont des musulmans qui sont âgés et qui n'ont pas de connaissance de la sunna, malheureusement, ils parlent sans science, et les gens leur vouent un respect dans le sens qu'ils sont plus âgés, donc ils vont les écouter même quand ce qu'ils disent est en contradiction avec la sunna. Et donc, si quelqu'un, par exemple, qui est sur la sunna, va critiquer ou réfuter ce qu'une personne plus âgée a dit, parce que ce que la personne a dit est faux, ils vont traiter ce musulman-là de personne qui n'a pas de respect pour les aînés, ou de quelqu'un qui est mal élevé ou pas bien, pas respectueux. Et ça, c'est en fait une fausse excuse de leur part pour justifier le faux, et d'essayer de décourager les gens de suivre la sunna. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai que nous, dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de respecter ceux qui sont plus âgés que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que ceux qui ne respectent pas les plus âgés parmi nous, il n'est pas de nous celui qui ne respecte pas le plus âgé parmi nous. Mais le fait de respecter la personne qui est plus âgée, ça ne veut pas dire que on doit se taire si la personne en question elle contredit la religion, ou si elle ment, ou si elle dit des choses qui sont basées sur l'ignorance, qu'on doit se taire puis accepter cette chose-là. Non. Le respect de la vérité est plus important que le respect de la personne âgée. Donc c'est sûr qu'on doit respecter la personne qui est notre aînée ou qui est plus vieille que nous, mais le respect de la vérité est plus important. Et quand on dit que le respect de la personne, le respect de la vérité est plus important, ça ne veut pas dire non plus que lorsqu'on doit réfuter quelqu'un qui est plus âgé que nous, on doit le réfuter de manière irrespectueuse. Non, on peut réfuter la personne qui est plus âgée que nous, mais avec respect, avec politesse et avec douceur et avec sagesse. Et de cette façon, il n'y a pas de moyen que les personnes nous traitent ou nous insultent ou nous disent qu'on est des gens mal élevés parce que on contredit les personnes qui sont plus âgées que nous. Donc il faut bien comprendre ça, que tu vas clarifier la vérité, réfuter le faux, mais avec douceur, avec sagesse, avec patience et avec gentillesse et respect. De cette façon, la personne qui est plus âgée que nous, même si ce qu'elle dit est faux, elle ne va pas se sentir offensée ou bien insultée ou dénigrée du fait qu'on la réfute et du fait qu'on est plus jeune qu'elle. Donc si par exemple moi je vais réfuter quelqu'un qui est plus vieux que moi, c'est pas parce que je veux m'élever ou parce que je veux dénigrer la personne en question, mais c'est pour défendre la vérité. Et la vérité, elle est plus importante que les personnes. Donc il faut le faire, il faut savoir comment le faire aussi, parce qu'il y a des jeunes, des fois ils sont, comme on dit, ils sont très motivés pour défendre la vérité, ils veulent faire connaître la vérité aux gens, et ils vont le faire parfois sans sagesse. Et donc, du moment qu'ils ont appris la sunna et la vérité, donc ils veulent yani l'enseigner, mais parfois sans sagesse. Donc ils vont voir des personnes âgées qui sont dans une mosquée et qui pratiquent l'islam depuis très longtemps et qui sont des gens de bien, mais qui manquent de connaissances ou qui manquent de savoir. Et donc ils vont leur dire sans aucun respect: « Ah non, vous êtes perdus, ce que vous faites c'est dans l'égarement, vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez jamais étudié l'islam. » Et il va commencer à les dénigrer de cette façon. Et ça, c'est le signe d'une personne qui est mal élevée ou qui n'a pas de respect. Donc, c'est pas parce que tu connais la vérité puis que tu connais la sunna que tu te permets de réfuter les gens de n'importe quelle façon. Il y a des façons de faire les choses. Et c'est avec respect, avec sagesse, avec patience et avec douceur et avec gentillesse, tu vas expliquer aux gens ces choses-là. Et même si toi tu sais quelque chose que la personne âgée elle ne sait pas, tu le dis avec douceur que la personne va accepter. Et le meilleur exemple de ça, c'est quand on regarde comment par exemple Ibrahim alayhi salam, comment il a parlé avec son père. Ibrahim alayhi salam est un messager d'Allah, un prophète. Hein? Quand il parle avec science. Et la science qu'il possède, ça lui vient directement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, quand il s'adresse à son père, il lui parle avec respect. Ya abati. Hein? Ya abati. Donc c'est pour dire, il utilise les termes les plus affectueux, les plus doux, les plus yani, propices pour faire accepter à son père la vérité. Hein? Donc, ça c'est un exemple. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc, d'utiliser la douceur, la sagesse. L'exemple de Moussa alayhi salam avec Pharaon, comment il s'est adressé à lui, alors que c'est un arrogant, un fier, quelqu'un qui rejette la vérité, et comment il lui a parlé avec politesse et avec respect, hein, même s'il le mérite même pas, hein, il lui a parlé avec respect. فهل لك أن يعني il lui dit il vient à Pharaon, il lui dit وأهديك إلى ربك فتخشى. Il lui parle avec des termes qui sont yani, qui montrent que il veut du bien, puis il est patient avec lui, il est doux avec lui, et ainsi de suite. Donc ça c'est envers les gens qui sont parfois des ennemis d'Allah, des koufars. Donc que dire de la personne qui est âgée, qui n'est pas mécréant, qui est un musulman pratiquant, qui fait la salat, hein? Mais juste parce qu'il est, il connaît pas certains aspects de la sunna, toi tu vas les dénigrer ou tu vas lui parler sans respect, non, ça c'est pas acceptable, tu vois. Donc c'est, tout est dans la manière, hein, tout est dans la manière de présenter les choses. En fait, cette mentalité-là, c'est une mentalité qui existe dans beaucoup de cultures comme ça. Le fait que les gens, ils mettent l'âge au-dessus de la connaissance et au-dessus de la... Moi, je pourrais dire du savoir. Et ça, c'est une erreur, tu vois. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on doit respecter les personnes plus âgées, mais en même temps, il y a des connaissances, par exemple, certains parmi les personnes âgées qui n'ont pas, par exemple, étudié la sunna, ils vont peut-être dire des choses. Et c'est clair que c'est contraire au Coran et à la Sunna. Donc, on va les réfuter. Et moi, je sais parce que, par exemple, la mentalité dans la culture haïtienne, c'est la même chose. Si quelqu'un il est plus jeune, il peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui est plus âgé, comme par exemple son père. Tu ne peux pas dire à ton père quelque chose. Parce que tu es plus jeune que lui, donc lui, automatiquement, tu ne peux rien lui apprendre. Tu ne peux rien lui apprendre. C'est lui qui va t'apprendre quelque chose. Tu ne peux pas lui apprendre quelque chose, toi, parce que tu es son enfant. Donc, en voulant dire, hein, tu n'as pas à nous montrer quoi que ce soit. Hein, tu es petit, donc c'est toi le petit, donc c'est toi qui dois apprendre. Donc, la façon de répondre à ça, c'est de faire comprendre à la personne que, yani, qu'est-ce qu'on dit, c'est basé sur les preuves. Et si tu mentionnes à la personne les versets dans le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, tu lui dis, ça c'est ce que les ulama ont dit. Les ulama, ils sont souvent, tu vas dire, eux, ils ont rapporté ces paroles-là, ils sont plus vieux que nous, ils sont plus anciens que nous. Hein. C'est ça l'important. Donc tu dis, bon, même si moi je suis plus jeune que toi, c'est vrai, mais les ulama qui nous ont enseigné la religion sont plus âgés que nous, hein, que toi et que moi. Donc eux, ils connaissaient la religion, ils ont étudié la religion toute leur vie, ils connaissent mieux que nous. Et c'est eux qui nous ont clarifié ces choses-là. Ils nous ont enseigné ça en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna. Voici les preuves qu'ils ont mentionnées. Et tu leur cites yani, les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés. Tu leur cites les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis là, peut-être que la personne, elle va comprendre. Puis tu dis, moi je m'excuse si je parle. Si je clarifie ces choses-là, ce n'est pas pour vous manquer de respect. Je suis conscient que vous êtes plus âgé que moi et vous avez plus de savoir que moi et que vous êtes plus sage que moi, que vous êtes plus intelligent que moi. Mais voici ce que j'ai lu dans le Coran, voici ce que j'ai lu dans la Sunna, voici ce que nos ulama ont clarifié dans leurs livres. Peut-être que vous avez plus de savoir, plus de connaissances, mais peut-être que cette connaissance en particulier vous a échappé. Peut-être qu'il serait bien pour vous de consulter tel livre ou de vérifier telle chose. Hein? Et avec la modestie, avec l'humilité, tu montres à la personne que ton but, ton intention, c'est pas de t'élever au-dessus d'elle et de parler pour comme si avoir le dessus ou pour gagner un débat sur la personne pour montrer que tu as raison. C'est pas ça ton intention. Ton intention, c'est de faire connaître la vérité, c'est tout. Et si la personne arrive à comprendre ça, après elle va comprendre que tu veux pas, t'es pas en train d'essayer de la dénigrer. Donc c'est ça l'important, je pense, hein. C'est le verset 41. Ça commence avec le verset 41 dans sourate Maryam. Quand il dit wa id qala li abihi ya abati. Wa dhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Ya abati إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Donc ça, c'est le discours de Ibrahim alayhi salam envers son père. Ibrahim, un prophète d'Allah, regarde comment il parle avec son père, subhanallah. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset et mentionne dans le livre Abraham, c'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, ni ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit ô tout miséricordieux, Ar-Rahman, ô mon Père, je crains un châtiment venant du tout miséricordieux, venant d'Ar-Rahman. Hein, je crains qu'un châtiment venant d'Ar-Rahman ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Hein? Donc, on voit comment Ibrahim alayhi salam il s'adresse à son père avec le respect, avec la douceur en même temps. Et il lui montre les preuves, il lui explique les raisons. Et c'est comme ça que le musulman il doit agir avec les personnes plus âgées qui sont sur la bid'a ou qui sont sur de l'ignorance et qui font des choses sans comprendre la réalité de la sunna. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de les étudier ces choses-là ou de les apprendre. Alors que toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait connaître la sunna. Alors dans ce cas-là, essaie toi aussi de leur faire connaître, mais avec patience, avec sagesse. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir leur cœur en faisant des du'as pour eux aussi, pour que Allah les guide. Et souvent quand les jeunes ils veulent faire quelque chose, ils se précipitent trop. Mais par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur de certaines d'entre ces personnes plus âgées et qu'ils reviennent à la sunna, eh bien ils vont être un support par la suite pour défendre la vérité qui va être plus fort. Parce que quand des personnes âgées sont sur la sunna, eh bien il n'y a pas des jeunes par la suite qui vont pouvoir venir critiquer le fait que, par exemple, des gens viennent pour dire « Ah, mais vous êtes des jeunes, vous ne comprenez rien. Hein? » Mais quand c'est quelqu'un qui est plus âgé qui est sur la sunna, là, ils n'ont pas d'excuses. Hein? Ils n'ont pas d'excuses. C'est pour ça l'avantage. Tu vois, par exemple, dans beaucoup de pays où il n'y a pas des grands ulama, mais il y a des jeunes qui acceptent la sunna et qui prêchent la sunna. Et les personnes qui sont plus âgées sont dans les turcs soufis. Ou bien ils sont dans des voies de différentes voies soufis. Alors les gens disent, ah mais vous êtes des jeunes, comment vous pensez que vous connaissez mieux la religion que les vieux, hein? Les vieux qui ont la barbe blanche connaissent mieux la sunna que vous. Et pourtant tu vois dans les pays, dans d'autres pays musulmans où il y a des grands ulama qui sont sur la sunna, ils sont plus âgés que eux encore avec la barbe blanche, et eux ils ne sont pas dans des turcs soufis, ils sont sur la sunna. Et ils réfutent les bid'ahs. Donc, quand on amène des personnes plus âgées, ça montre en même temps que notre religion, c'est quelque chose qui n'est pas ancien. C'est pas quelque chose, dans le sens, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, même il y a des grands ulama qui sont plus vieux, qui ont supporté cette da'wah eux aussi avant nous. Hein? Et c'est pour ça que les ulama, ils conseillent tout le temps les jeunes de revenir aux ulama. Et de prendre la science de ceux d'entre nous qui sont les plus anciens, les plus vieux, hein? Pas des jeunes. Ne pas prendre ta religion dans des jeunes seulement. Et quand ils disent, par exemple, un des signes de la fin des temps, c'est que les gens vont prendre leur religion des jeunes. Ils ne vont pas prendre leur religion des vieux, hein? Donc c'est pourquoi les vieux, dans le sens les vieux parmi nos ulama qui sont plus âgés, parce qu'ils ont plus d'expérience, ils ont plus de sagesse, ils ont plus de connaissances, leur connaissance elle est plus ferme, elle est plus stable, elle est plus solide, tandis que le jeune, hein, il est parfois instable. Il dit une chose aujourd'hui, demain il va changer, hein, parce que sa science elle est encore fragile, elle n'est pas encore installé ferme, solidement. Hein? Donc c'est pour ça, nous, quand on fait des cours sur l'islam, on explique toujours la parole de nos ulama anciens, de ceux qui sont plus âgés, de ceux qui ont plus de connaissances que nous, parce que justement, si on se base sur leurs livres, c'est clair que dans ce cas-là, on peut faire moins d'erreurs. Tandis que celui qui explique tout de lui-même, sans se référer aux ulama, eh bien, souvent il dit des choses, il se contredit, hein, ou il tombe dans les erreurs et des choses de ce genre. Donc c'est ça l'avantage de se référer aux ulama. Donc tu ne dois pas avoir peur du blâme de ceux qui blâment, même s'ils vont te critiquer par ça. ils vont t'appeler par des surnoms, ils vont se moquer de toi ou te dénigrer. Ils vont dire, ah, toi t'es un wahhabi, toi t'es un ci, toi t'es un ça, hein? C'est pas grave, laisse-les parler. Parce que les gens, ils vont voir à la fin, c'est qui est-ce qui est sur la vérité. Quand ils vont voir les versets du Coran et les versets du Hadith, toi tu ramènes les gens vers la sunna et tu les rattaches à la sunna. Les soufis, à eux, si tu regardes leur méthodologie, ils ne ramènent pas les gens vers la science du Coran et de la sunna. Ils ramènent les gens vers des gens. Hein? C'est-à-dire, pour eux, qu'est-ce qui compte, c'est pas qu'est-ce qui est dit, c'est qui a dit. Hein? C'est ça que tu remarques avec les soufis, hein? C'est que qu'est-ce qui est important pour eux, c'est pas qu'est-ce qui est dit. C'est-à-dire que tu dis ce que tu dis, si c'est basé sur le Coran ou sur la sunna authentique, ça c'est pas important pour eux. Qu'est-ce qui est important pour eux, c'est qui a dit. Ça veut dire, si quelqu'un dit quelque chose, même si c'est faux, même si ça vient, c'est contraire au Coran, c'est contraire à la sunna, parce que lui il l'a dit, c'est vrai. Tandis que toi, t'es personne. Mais tu dis, قال الله, قال رسول الله. Celui qui comprend la sunna, il va dire, ah, lui dit la vérité, on l'accepte. Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah et ça vient du messager. Mais celui qui ne connaît pas l'islam comme il faut, il suit la voie des gens de bid'a et des gens de tasawwuf. Il ne va pas prendre la parole de celui qui dit qu'est-ce que Allah a dit à son messager. Il va prendre la parole de son cheikh ou de celui qui est avec lui dans les turuq, parce que c'est lui qui l'a dit. Et pour eux, c'est ça la référence. Ce n'est pas le Coran et la Sunna. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éduquer les musulmans dans ces pays-là à leur faire comprendre qu'ils doivent apprendre à respecter le Coran et la Sunna plus que les hommes. Que le Coran et la Sunna est au-dessus des gens. Hein? C'est pas par les gens qu'on reconnaît la vérité, mais on reconnaît la vérité. Hein? On reconnaît la vérité par la vérité elle-même. C'est pour ça que les salafs ils disaient, al-haq la yu'arafu bil-rijal, walakin yu'arafu al-rijal bil-haq. C'est-à-dire, on reconnaît pas la vérité par les hommes. C'est pas les hommes qui déterminent qu'est-ce qui est vrai ou faux. Mais on reconnaît les vrais hommes par la vérité. Hein? C'est ça la différence. L'autre adoration qui est mentionnée par la suite, c'est Al-Inaba. Il dit, قال المصنف رحمه الله ودليل الإنابة قول الله قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله, il mentionne ensuite une autre adoration qui est Al-Inaba. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Inaba? Al-Inaba, c'est la repentance. Hein? La repentance. Et c'est un sens qui est proche de At-Tawba. C'est un sens qui est proche de At-Tawba. C'est le fait de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir fait un péché. Wa alaykum salam. Donc le Cheikh il dit wa anibu ila rabbikum yani aqbilu alayhi bi ta'at wa aslimu lahu fal-inabatu idha ufridat fahiya bima'na al-islam wa bima'na al-iman walakin idha qurinat bil-islam kanat kanat al-inaba bil-qalb wal-islam bil-jawarih bil-a'mal adh-dhahira مثل الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما انصرف الإيمان إلى الاعتقاد يعني أعمال القلوب والإسلام إلى أعمال الجوارح وإذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر وسوف يأتي لهذا بيان في محله إن شاء الله. Donc le Cheikh il explique, il dit وأنيبوا إلى ربكم, c'est-à-dire de se tourner vers Allah par les actes d'obéissance. Et il dit « wa aslimu lahu » et « soumettez-vous à lui ». Donc il dit que ici Al-Inaba, il est mentionné avec Al-Islam. Al-Inaba, il est mentionné avec Al-Islam dans un même verset. Al-Inaba wal-Islam. Donc il dit dans ce cas-là, chacun il a un sens différent. Al-inaba il a un sens et al-islam il a un autre sens. Et donc il dit que al-inaba ici, hein, il est dans le sens, lorsqu'il est séparé, c'est comme si c'est le sens du retour du cœur. Hein. Et l'islam a le sens des actes du corps, les actes apparents. Hein, comme la foi et l'islam, la même chose. L'iman ou l'islam, quand ils sont réunis dans un même texte, chacun il a une signification différente. L'iman, ça signifie les actes du cœur et les croyances, et l'islam aura la signification des actes du corps. Toutefois, si le terme islam il est mentionné seul dans un texte, alors il a les deux sens réunis. Il a les deux significations réunies. La foi, la croyance du cœur et les actes du corps. À l'islam, quand il est tout seul, il a ces deux sens-là. Et à l'iman aussi, s'il est mentionné tout seul dans un texte, il a les deux sens aussi. Le sens de la foi, de la croyance et des actes du corps aussi. Mais s'ils sont mentionnés les deux dans le même texte, dans le même verset ou dans le même hadith, alors chacun aura une signification différente. L'islam aura un sens et l'iman aura un sens. L'islam, c'est les actes du corps et l'iman sera les croyances du cœur. Et donc, c'est ce que le cheikh explique ici par rapport à l'inaba. Hein? Mais, comme on l'a dit aussi, les ulama, ils ont expliqué que l'inaba wa anibu ila rabbikum, c'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir, de revenir vers lui avec l'obéissance. Et certains ulama ont clarifié même que al-inaba, la différence entre al-inaba wa tawba, c'est que al-munib, celui qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est munib, quand il revient à Allah, il devient meilleur que avant avoir fait son péché. Al-munib, c'est celui que lorsqu'il revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, il revient meilleur que ce qu'il était avant d'avoir commis le péché. D'accord? Ça, c'est une des explications des ulama. Naam. On est rendu maintenant à une autre adoration qui est al-isti'ana. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On en parlera de cette autre adoration la semaine prochaine, inshallah, avec les différentes signification de al-isti'ana. Al-isti'ana qui signifie le fait de chercher ou de demander à Allah son aide. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.